les yeux ouverts, sans point de repère, sinon tu verras pas, tu verras pas, tu verras pas, tu verras pas, oh, t'as rien à faire. T'as rien à perdre, je sais où ça nous mène.